Book 2 99 99 99 حالة الإضافة Génitif Génitif قطة صديقتي Le chat de mon ami Le chat de mon ami. كلب صديقي. Le chien de mon ami. Le chien de mon ami. ألعاب أطفالي. Les jouets de mes enfants. Les jouets de mes enfants. هذا معطف زميلي. C'est le manteau de mon collègue. C'est le manteau de mon collègue. C'est la voiture de ma collègue. C'est la voiture de ma collègue. C'est le travail de mes collègues. C'est le travail de mes collègues. زر القميص. قد انقطع. Le bouton de la chemise est parti. Le bouton de la chemise est parti. مفتاح الكراج مفقود. La clé du garage n'est pas là. La clé du garage n'est pas là. كمبيوتر المدير متعطل. L'ordinateur du chef est cassé. L'ordinateur du chef est cassé. من هم والدا البنت؟ Qui sont les parents de la jeune fille? Qui sont les parents de la jeune fille? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? المنزل يقع في آخر الشارع. La maison est située au bout de la rue. La maison est située au bout de la rue. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Comment s'appelle la capitale de la Suisse? Comment s'appelle la capitale de la Suisse? ما هو عنوان الكتاب؟ Quel est le titre de ce livre? Quel est le titre de ce livre? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Comment s'appellent les enfants des voisins? Comment s'appellent les enfants des voisins? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ À quelle date sont les vacances des enfants? À quelle date sont les vacances des enfants? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Quelles sont les heures de consultation du médecin? Quelles sont les heures de consultation du médecin? متى يفتح المتحف؟ Quelles sont les heures d'ouverture du musée? Quelles sont les heures d'ouverture du musée ?